السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، avant de continuer et d'aborder la dernière leçon relative aux ablutions, on va récapituler certains points. On ne pourra pas tous les revoir, mais récapituler certains points qu'on a pu voir depuis le début de notre étude des leçons importantes du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. On avait abordé les conditions de l'attestation de foi. La ilaha illallah. Qui peut nous récapituler ces conditions-là? Naam. Faddal, Mohamed. Al-ilm. Al-ilm, donc. Naam, la science. Al-yaqin. Al-yaqin, la certitude. Al-qaboul. Al-qaboul, l'acceptation. Al-inqiyad. Al-inqiyad, la servilité, le fait de se guider donc avec cette chose-là que tu as acceptée, na'am. Al-sidq, la véracité, le fait que ce que tu prononces avec ta bouche, ça soit en accord avec ce qu'il y a dans ton cœur. Al-ikhlas, le fait de faire preuve de sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu prononces cette attestation de foi, et que tu ne vises par là que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa récompense dans l'au-delà. Al-mahabba. Al-mahabba, l'amour. L'amour de cette parole, l'attestation que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi que l'amour de tout ce que cela engendre. Fait d'aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. Aimer son messager. Aimer les croyants de manière générale. Et également ce que cela implique comme détestation de tout ce qui va à l'encontre de cela. Naam. Et également donc le Shir avait cité une huitième condition qui est le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et on avait dit donc que certains ulama en citent 7 et d'autres comme l'auteur en cite 8. Également, on avait abordé les implications de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Et on avait dit que le fait d'attester de cette chose-là implique un certain nombre de choses. Et on en avait cité 4. On en avait vu 4, donc, dans les paroles de l'auteur. Qui c'est qui peut nous les récapituler? Souleyman. Ta'atuhu fima amar. Le fait de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Tasdiquhu fima akhbar. Le fait de reconnaître véridique ce au sujet de quoi il a informé. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit et réprouvé. Wa an la yu'bad Allah illa bima shara. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit adoré qu'avec ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Ce qui ferme la porte à toute innovation dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit une œuvre qui ne fait pas partie de notre religion la verra rejetée. Également, on avait vu les piliers de l'islam qui sont au nombre de 5. Qui c'est qui peut nous le récapituler? Adam. Abdussalam. Avant la prière. L'attestation de foi. Donc le fait d'attester que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Naam. La seconde c'est, ou le second pilier, la prière. Troisième donc c'est l'aumône, la zakat. Quatrième c'est le jeûne de Ramadan. Et non, le cinquième, donc, c'est le pèlerinage. Barakallahu fik. Les piliers de la foi. Les piliers de la foi. Yassine. Sont au nombre de combien? Les piliers de la foi. Naam. Dis-le. Al-Imanu Billahi. Al-Imanu Billah. La foi à Allah. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi, en ses anges. Wa kutubihi. Wa kutubihi, ses livres. Wa rusulihi. Wa rusulihi, ses messagers. Wa yawmil akhir. Wa yawmil akhir, jour dernier. Wa bil qadri khayrihi. Wa bil qadri khayrihi wa sharrihi, et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Barakallahu fik. Les trois types de tawhid. Les trois types de tawhid. Donc, je vous ai déjà donné une partie de la réponse. Ce sont trois. Naam. Tawhid al-Rububiyya. Donc, le fait, l'unicité d'Allah, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Le fait de reconnaître fermement avec son cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à donner la vie, à donner la mort, à créer, à diriger l'ensemble de sa création et à accorder la subsistance. Na'am. Tawhid al-uluhiyya. Le fait d'affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Ce qui consiste à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et à rejeter l'adoration d'autres que lui, subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-asma wa sifat. L'unicité dans les noms et les attributs qui consiste à décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est lui-même décrit dans son livre ou par la bouche de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Et ce, sans nier quoi que ce soit, sans altérer le sens, sans faire de ressemblance entre la créature et le créateur, et sans chercher le comment. Et on avait cité donc, dans cela, la parole de l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'une personne est venue le questionner, et lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux, s'est élevé au-dessus du trône. Après avoir cité ce verset, la personne lui a dit, c'est-à-dire à l'imam Malik, il lui a dit, comment s'est-il élevé? Et l'imam Malik, rahimahullah, a dit, l'élévation, c'est-à-dire l'attribut de l'élévation est connu, c'est-à-dire son sens il est connu dans la langue arabe. On ne nie pas cette chose-là, et on ne tombe pas donc dans le fait de dire que nous ne connaissons pas le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a éclaircis dans son livre, et par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Malik a dit, l'élévation est connue. Et le comment est inconnu. Et la foi en lui est obligatoire. Et le fait de questionner à son sujet, c'est-à-dire à propos du comment, est une innovation. Naam. Donc ça, c'était les trois types de tawhid. Et également, on avait vu les trois types de shirk. Qui c'est qui peut nous les rappeler? Hormis le fait que chaque type de tawhid, on trouve à son opposé un type parmi les types de shirk, de polythéisme. Naam. Tu as donc le polythéisme dans la seigneurie, le polythéisme dans l'adoration, le polythéisme dans les noms et les attributs. Mais on avait vu également que selon la gravité du shirk, sachant que tout type de shirk et toute forme de shirk est très grave, mais on avait vu qu'on pouvait citer trois types de shirk. Qui c'est qui s'en rappelle? Et qui peut nous les citer? Naam. Shirk al-Akbar. Le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Al-shirk al-asghar, le shirk mineur, qui est très grave, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Al-shirk al-khafi, Le shirk qui est caché. Et le shirk qui est caché, shirk al-khafi, à la base, on va dire que ça fait partie du mineur, c'est-à-dire qu'il ne veut pas sortir de l'islam. C'est l'ostentation. Le fait qu'une personne, elle enjolive sa prière ou son adoration de manière générale à cause du fait qu'il y a quelqu'un qui est en train de le regarder, par exemple. Si cette chose-là, elle ne se produit que de manière occasionnelle, alors c'est certes très grave, mais ça reste du shirk mineur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas sortir de l'islam. Par contre, si la personne, l'ensemble de ses œuvres n'est qu'ostentation, comme c'est le cas des hypocrites, qui laissent apparaître la foi et qui cachent dans leur cœur la mécréance, et ainsi toutes leurs œuvres ne sont qu'ostentation. C'est-à-dire qu'ils œuvrent uniquement pour que les gens les voient œuvrer. Alors ça, c'est carrément « wal'iyadu billah » du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Les conditions de la prière. Parce qu'après avoir parlé donc de certaines bases du dogme, du tawhid, on avait abordé donc les adorations journalières. La prière. Et on avait vu les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière, les actes recommandés de la prière, ce qui annule la prière. Avant d'aborder les ablutions, et on va essayer de terminer ça aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Les conditions de la prière. Khalid ? L'islam. Non. Wal-aql. Donc l'islam. Al-aql, c'est-à-dire la raison. Al-tamyiz, donc le discernement. Raf'u al-hadath. Donc le fait d'être en état de purification. Izalatun najasa. Non. Izalatun najasa. La suppression des impuretés. Et on avait vu que cette chose-là donc, doit se faire de trois choses. Qui sont, Ibrahim ? Le fait d'enlever les impuretés, ça doit être fait sur trois choses. Le lieu, le vêtement, et le corps. Naam. Ensuite, sixième, Satrul Aura. Naam. Et on avait expliqué donc ce que cela visait, c'est-à-dire le fait de se couvrir, ce qu'il est demandé de couvrir pendant la prière. Naam. Dukhul al-waqt, l'entrée de la plage horaire, ou le fait d'être dans la plage horaire. De la prière. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière a été prescrite pour les croyants à une heure fixe. Naam. Huitième. Istiqbal al-qibla. Le fait de s'orienter vers la qibla. Et la neuvième et dernière. An-niyya. L'intention. Après les conditions, on avait vu les piliers. Qui c'est qui peut nous rappeler les piliers ? Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullah. Les piliers. Les piliers de la prière. Mohammed. Tandal. Se tenir debout si possible. Takbiratul ihram. Donc la première fois qu'on dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Naam. Naam. Le fait de réciter la surat al-Fatiha. Ça c'était le troisième pilier. Quatrième. Ar-ruku'. L'inclinaison. Le fait de revenir, donc de se tenir, de se relever après l'inclinaison. La prosternation sur les sept membres. La prosternation sur les sept membres. C'est quoi les sept membres qui sont visés ici et qui ont été mentionnés donc par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Ibn Abbas Ces sept membres sont Al-Wajh. Al-Jabha, na'am. Al-Jabha. Si tu dis Al-Wajh, certains vont penser qu'il faut qu'ils se prosternent sur tout leur visage. Na'am. Al-Jabha, na'am. Donc le front. Le front avec donc le nez, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a montré donc le front, disant qu'il faisait partie des sept membres sur lesquels il faut se prosterner, il a également montré le nez. Donc, il a montré le front et le nez. Na'am. Na'am. Donc, les paumes des deux mains. Na'am. Les deux genoux. Atraf ou na'am. Atraf, asabi' al-rijlain. Donc, le bout des orteils. Donc, le fait que les orteils, donc, on avait vu qu'il faut qu'ils soient dans la direction de la qibla, na'am. Barakallahu fik. Septième pilier. Pour revenir à la position assise entre les deux sujoud. Na'am, le redressement après na'am. Après la prosternation, na'am. La quiétude dans chaque mouvement. Ah, donc tu nous en as cité deux. Là, il y avait le fait de se redresser après la prosternation, ça c'était le septième. Et le huitième, c'était le fait de s'asseoir. La position assise, na'am. La neuvième. La quiétude, tu as dit ? La quiétude dans chaque mouvement. C'est quoi la quiétude dans l'accomplissement de chaque pilier ? C'est quoi qui est visé par la quiétude ? Naam ? C'est qu'on ait le temps de dire obligation. Naam, c'est que tu aies le temps, c'est que tu t'arrêtes un minimum de temps pour pouvoir dire la formule d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'est demandé de dire à l'endroit en question. Par exemple, dans l'inclinaison, tu dois dire un minimum de une fois, Subhana Rabbi al-Azim, pureté à Allah, l'immense. Donc la quiétude, ça consiste à rester dans cette position assez de temps pour pouvoir le dire un minimum d'une fois. Au minimum une fois, na'am. Le dixième pilier, l'ordre, na'am. La dernière formule de tashahhud. Alors que la première, on va la voir tout à l'heure, Inch'Allah, dans les obligations. Naam. Être assis. Naam. Lorsqu'on le prononce. Les salutations sur le prophète. Naam. La salutation sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, les salutations finales. Naam. Et on avait vu donc que le 13e, on avait mentionné l'avis qu'avait fait prévaloir le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, disant qu'en vérité, c'était plutôt un acte recommandé. Ce qui n'enlève rien de son mérite. Mais c'est important donc de savoir ça, notamment si tu viens l'oublier, pour savoir comment réparer la prière, si tu dois la réparer ou pas. Naam. Les obligations de la prière, qui c'est qui peut nous les citer ? Abdel Ali. Naam, tous les takbirs, toutes les formules de takbir, sauf le premier, sauf la première, étant donné que c'est un pilier, et que là, donc, on est passé aux obligations. Naam. L'imam. Ou al-munfarid. Donc, le fait de dire, Sami Allahu liman hamida, pour l'imam et pour celui qui prie seul. Le fait de dire, Rabbana wa lakal hamd, pour l'ensemble. Que la personne soit imam, c'est-à-dire qu'elle dirige la prière, ou qu'elle prie toute seule, ou qu'elle prie derrière un imam. Naam. La quatrième. Naam. Le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim pendant l'inclinaison, al-Rukua. La cinquième. Subhana Rabbi al-A'la pendant la prosternation. Naam. Tu en as oublié un. Le fait de dire Rabbi Firli entre les deux prosternations. Naam. Et la suite, comme tu as dit, le premier tashahhud, et on avait vu donc qu'il ne faisait pas partie des piliers, et on avait abordé la raison de cela lorsqu'on l'avait expliqué. Et enfin le dernier, être assis pour le rester, c'est-à-dire pour réciter le tashahhud. La leçon qui suivait justement, c'était comment faire le tashahhud ? Que dire pendant la formule de tashahhud ? On avait vu les actes recommandés de la prière, ils sont un certain nombre, je vous laisse y revenir. Et on avait vu les actes annulatifs de la prière, qui sont au nombre de 8. Qui peut nous les récapituler? Ammar? Parler. Sachant que c'est interdit. Rire. Et on avait donc dit que, quant au sourire, selon la majorité des ulama, donc ça n'annulait pas la prière, le fait de sourire. Par contre, le rire annule la prière. Manger, Naam. Rire, manger, boire. Boire. Découvrir ce qui doit ne pas être découvert. Voilà, découvrir ce qu'on est censé couvrir pendant la prière. Perdre les ablutions. Perdre les ablutions, Naam, ça c'était le 8e. Se désorienter abusément de la Qibla. Naam, le fait de dévier de façon importante de la direction de la Qibla. Répéter de façon habituelle des gestes inutiles. Naam, multiplier les gestes inutiles de façon successive durant la prière. Et on avait développé ce qui nécessitait d'être développé lorsqu'on avait abordé cette leçon. Barakallahu fik. Les conditions des ablutions. Les conditions des ablutions. Naam. Les ablutions, pas la salat. Les ablutions, si on doit se diriger en direction de la Qibla, non ? Non. C'est une sunna. On ne les a pas cités. On n'avait pas cité. Naam. L'islam. Naam. L'islam. La raison. La raison. Naam. La raison, ça rentre dans ça. L'âge de discernement. C'est le 3e. C'est tout à fait important. Naam. L'intention. Ça, c'est le 4e, 5e. Naam, donc le fait de garder cette intention-là jusqu'à ce que s'achèvent les ablutions et de ne pas avoir l'intention de les interrompre. Et on avait expliqué cette chose-là, Naam. 6e. Naam, c'est tout acte qui annule les ablutions. L'istinja ou l'istijmar ou qablahu. Naam. Donc le fait de faire précéder les ablutions, du lavage ou du nettoyage des parties intimes. On a vu que l'istinja c'était avec l'eau, et que l'istijmar c'était à la base donc avec des pierres, et qu'également on pouvait compter dans l'istijmar le fait de le faire avec du papier. Naam. Le 8e, ou la 8e plutôt, la pureté et le caractère licite de l'eau utilisée. Et on avait vu que concernant le caractère licite, que certes la personne qui viendrait à accomplir ses ablutions avec une eau qui aurait été acquise illicitement, elle aurait certes commis un péché, sans aucun doute. Le fait d'avoir utilisé de l'eau qu'elle ne lui est pas permis d'utiliser. Si par exemple elle vole une bouteille d'eau pour faire ses ablutions, cette eau elle ne lui est pas permise. Par contre, on avait vu que selon l'avis le plus authentique, Incha'Allah Ta'ala, ça n'annulait pas et ça n'invalidait pas les ablutions. On avait expliqué cette chose de la Na'am. Le 9e, la 9e condition, ôter tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau, que ce soit la peinture ou autre. Et la 10e, Naam, l'entrée de l'heure de la prière pour celui qui perd tout le temps les ablutions, comme celui qui, par exemple, la femme qui souffre de métrorragie, Naam, ou la personne qui souffre, on avait dit, d'incontinence. Naam. C'est comme ça qu'on avait, le terme qu'on avait utilisé en français. L'incontinence urinaire, Naam. Les obligations des ablutions. Il y en a 6. 4 qui sont mentionnées dans le verset des ablutions, dans Sourate Al-Ma'ida. Naam. Le visage, donc le fait de laver le visage. Naam. Les bras jusqu'au coude. Et donc, on avait bien dit que les mains rentrent dans cela. Même si on les a déjà lavées au début, il faut bien penser à laver également les mains. C'est-à-dire, du bout des mains jusqu'au coude inclus. Naam. Dans le Coran, c'est spécifié, non ? Naam. Ça rentre dans les... Naam. Le troisième ? La tête. Le crâne. La tête, naam. Le fait donc de d'essuyer avec les mains mouillées, donc d'essuyer la tête, na'am. Se laver les pieds jusqu'aux chevilles, c'est le quatrième. Et ensuite, il y avait deux autres obligations, que sont le fait d'observer l'ordre de ces obligations-là, et également le fait de les exécuter sans interruption. Et on avait dit que il ne faut pas que tu laisses une trop longue interruption entre chaque membre, à tel point que tu viendrais à laver un membre en ayant laissé celui qui est juste avant sécher. Naam. Par exemple, tu te laves les mains et tu as trop attendu et ton visage il a déjà séché. À ce moment-là, l'interruption a été trop longue et il convient donc de recommencer les ablutions du début. On avait cité la preuve de cela. Ça nous était déjà arrivé de faire des petites révisions comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui on a été un peu plus long, car je voudrais attirer votre attention vers l'importance de mémoriser ces points-là. Premièrement, donc, ce sont des bases dans le dogme et également dans les obligations journalières. Et ce sont des choses également que tu as besoin sans cesse. Naam. Par exemple, concernant ta prière, ta purification. Tu peux avoir appris, alhamdoulillah, comment faire ta prière, comment te purifier. C'est une bonne chose, alhamdoulillah. Mais le fait de ne pas connaître ces détails-là et de ne pas les avoir mémorisés le jour, et il y aura forcément, ce jour-là va forcément arriver, étant donné que nous sommes tous sujets à l'oubli, le jour où tu vas oublier quelque chose dans ta prière, le jour où tu vas oublier quelque chose dans tes ablutions, si tu ne sais pas faire la distinction entre le pilier, condition, l'obligation, ce qui est simplement recommandé, alors à ce moment-là, comment vas-tu faire pour savoir si tu dois réparer quelque chose, te prosterner, prosternation de distraction, ou est-ce que cette chose-là ne t'est pas demandée? Est-ce que tes ablutions sont quand même valides, malgré que tu as oublié telle ou telle chose? Tout ça, c'est important, et donc il convient de maîtriser ces choses-là de sans cesse y revenir. Également, ce sont des bases. Et il est clair que cette science-là, on l'apprend avant tout pour nous-mêmes, pour nos propres personnes. Naam. Ça, il n'y a pas de doute sur cela. Mais également, il faut que tu saches que tu vas avoir, tôt ou tard, des responsabilités. Et tu vas avoir peut-être à ta charge des gens, il te sera obligatoire de leur enseigner la religion. Naam. Un jour peut-être tu vas avoir des enfants. Ce sera à toi que reviendra la responsabilité de leur apprendre la religion. Et si ces choses-là tu ne les connais pas, comment vas-tu leur enseigner? Et l'enseignement aux enfants, c'est avant tout à la maison. Car on est malheureusement à une époque où on délègue beaucoup. Et on fonde tous nos espoirs sur les autres. En pensant que le fait, par exemple, qu'il y ait des cours qui soient donnés aux enfants dans une mosquée, ou dans une école, que khlas, ça va leur suffire et ils vont apprendre la religion. Non, ça c'est juste une cause, parmi les causes, un moyen. Ce ne sont que des moyens. Mais si avant tout il n'y a pas à la maison une dynamique qui pousse l'enfant à apprendre, naam, et que les parents n'ont pas le minimum de bagages, et quand on parle de minimum, c'est vraiment le minimum, parce que ça, c'est vraiment les bases des bases. Si les parents n'ont pas ces choses-là, comment vont-ils les donner à leurs enfants? Donc c'est important de ne pas négliger ces choses-là. Et sachez que les ulama, ils insistent avant tout sur ces choses-là. Bien que nous, on a parfois tendance à chercher des choses un peu plus poussées, développées. Mais les ulama, sans cesse, ils attirent l'attention vers l'importance de ce genre de sujet-là. Avant tout. Et d'ailleurs, comment le savant pédagogue a-t-il été défini par Ibn Abbas? Le savant Rabbani, littéralement, c'est traduire par, on va dire, pédagogue. Et il a dit, c'est le savant qui s'attelle à enseigner d'abord les choses rudimentaires avant d'enseigner les choses plus compliquées, les questions plus compliquées. Et nous, donc, on doit suivre cela. On doit d'abord, donc, dans notre apprentissage, chercher à apprendre les choses rudimentaires. Et ça, ce sera une base pour ce qui va venir par la suite et qui sera donc peut-être plus complexe et développé. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite et nous assiste. La leçon d'aujourd'hui, c'est la dernière leçon liée aux ablutions. Et ça concerne les actes annulatifs des ablutions. Nawaqidul wudu. Les actes annulatifs des ablutions. Le shir, l'auteur, rahimahullah, il a dit, ils sont au nombre de 6. Tout ce qui sort par les deux voies naturelles. Deuxièmement, toute substance impure qui sort du corps. En grande quantité. Troisièmement, la perte de conscience. Après s'être endormi ou autre. Quatrièmement, toucher directement ses parties intimes, devant ou derrière, sans tissu ou vêtements. Cinquièmement, manger de la viande de chameau. Et sixièmement, l'apostasie, qu'Allah nous en protège, ainsi que tous les musulmans. Et ensuite, il a apporté une remarque importante qu'on va aborder par la suite, bi'ivnillah. Pour tenter d'éclaircir ces quelques points, on va aborder nous-mêmes donc plusieurs points qui correspondent à autant d'actes annulatifs. Le premier point, donc, il est lié au premier annulatif, tout ce qui sort par les deux voies naturelles. Et en vérité, on va en grande partie lire le commentaire, comme ça nous est arrivé de faire parfois, dans d'autres leçons, étant donné qu'il est, relativement clair et explicite, et parfois on apporte quelques précisions et éclaircissements, incha'Allah ta'ala. Donc le commentateur, Cheikh Al-Faiz, a dit tout ce qui sort des orifices d'évacuation. Donc, traduit ça, ça a été traduit comme ça, donc les voies naturelles. Donc c'est-à-dire donc le devant et le derrière. Que ce soit en petite ou grande quantité. On en distingue deux grandes catégories. La première, c'est une voie commune et l'autre rare. La première, donc, c'est comme l'urine et les excréments, qui annulent les ablutions sans aucune divergence à ce sujet parmi les savants, parmi les ulama, ainsi que l'affirme Ibn Abdel Barr. Ibn Abdel Barr, donc, il faisait partie des grands ulama spécialistes en matière de consensus, de ijma', et qui est une référence en la matière, et qui est connu, donc, pour avoir écrit un certain nombre de livres références, notamment At-Tamhid, le commentaire de Al-Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit أو جاء أحد منكم من الغائط. Ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins. Quand il a parlé donc des ablutions dans le verset relatif aux ablutions auxquelles on a fait référence tout à l'heure quand on a dit donc qu'il était dans quelle sourate? Dans sourate Al-Ma'ida, na'am. Donc ça c'est ce qui sort donc de manière commune. L'urine et les excréments, et ça ne souffre d'aucune divergence. Le deuxième, c'est plutôt ce qui est rare, comme des vers, par exemple, ou des poils, ou des cailloux. C'est rare, na'am, mais ça peut arriver. Quelqu'un qui a avalé quelque chose, na'am, qui n'a pas été digéré, ou qui souffre d'une maladie, na'am, dans son estomac ou dans ses intestins, na'am. Et par la suite, donc, il y a quelque chose de pas commun qui est sorti d'un des deux orifices, que ce soit des vers, des poils ou des cailloux. Et donc ça aussi, ça annule les ablutions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme atteinte de métrorragie, effectue tes ablutions pour chaque prière. Or le sang des femmes atteintes de métrorragie n'est pas commun. Mais le fait qu'il sorte d'un des deux orifices d'évacuation le fait ressembler aux éléments qui en sortent naturellement. Ce hadith, on l'a vu. Quand c'est qu'on l'a vu? Le hadith donc dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme-là, effectue tes ablutions pour chaque prière. Cette femme-là, donc, c'était Fatima bint Abi Hubaysh radiallahu anha, qui avait questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant sa métrorragie. Na'am. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, effectue tes ablutions pour chaque prière. Ce sang-là, donc, ce n'est pas un sang commun. Ce n'est pas un sang commun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout, l'a considéré comme étant un annulatif des ablutions. Donc, tout ce qui sort des deux orifices, que ce soit commun ou que ce soit rare, ça annule les ablutions. Le deuxième point qui est lié au deuxième annulatif. Et donc il a dit, rahimahullahu ta'ala, toute souillure ou toute substance impure qui sort du corps en grande quantité. Et ici on peut retenir deux points qu'on va aborder, incha'Allah ta'ala. Le commentateur, il a dit, toute souillure jaillissant du corps en grande quantité. Donc on retient deux points. Le premier, c'est quoi? C'est que c'est impur. Le premier, c'est que c'est impur. Et le deuxième, c'est que c'est en grande quantité. C'est impur et c'est en grande quantité. Le commentateur de continue en disant, c'est si elle sort en grande quantité qu'elle annule les ablutions. Par contre, s'il s'agit d'une petite quantité, les ablutions sont toujours valides. Ainsi, le sang, s'il jaillit du corps en grande quantité, il annule les ablutions. Mais pas s'il s'écoule en petite quantité. En effet, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit au sujet du sang, s'il jaillit en grande quantité, on se doit de recommencer les ablutions. Donc ici, on retrouve qu'Ibn Abbas, il a limité l'annulation des ablutions à quoi? Concernant donc le sang. Il a limité à la grande quantité. De plus, Ibn Omar, radiallahu anhuma, creva un jour un bouton et du sang en sortit. Cependant, il pria sans refaire ses ablutions. C'est-à-dire donc, il avait un bouton, il a percé ce bouton-là, il y a du sang qui est sorti, il a malgré tout prié sans refaire ses ablutions. Donc on comprend de là qu'en vérité, ce sang-là, il était en petite quantité. Et le fait qu'il était en petite quantité, ça n'a pas annulé ses ablutions. Le commentateur de continue en disant, et aucun compagnon ne divergea de lui à ce sujet. C'est donc un consensus. Et ça donc, ça fait référence à un point important concernant donc les paroles ou les actes des compagnons. Le fait qu'ici, Ibn Omar ait fait cette chose-là, c'est-à-dire qu'il ait prié sans refaire ses ablutions, alors qu'une petite quantité de sang avait jailli donc du bouton qu'il avait percé. En soi, on pourrait dire ce n'est pas une preuve. Mais le fait qu'aucun compagnon ne l'ait contredit, ça fait de cette parole-là ou de cet acte-là un ijma', un consensus. Et on avait vu que le consensus, ça fait partie des preuves religieuses. Adillatu shar'i sharifi arba'a, muhkamu ayin sunnatun muttaba'a, wa thalithu l'ijma'u haythu yanjali, wa rabi'u l'qiyas, wa khsusin jali. Dans cette parole-là, Hafid al-Hakami, il a dénombré les quatre types de preuves qui sont sujets à unanimité chez les savants, chez les ulama, le Coran, la Sunna, l'ijma', le consensus, c'est-à-dire l'accord unanime des ulama, et à la fin, le qiyas, l'analogie. Donc ici, l'ijma', c'est une preuve de cette chose-là. C'est donc un consensus. Na'am. Le troisième point qui concerne le troisième annulatif, la perte de conscience après s'être endormi ou autre. Cheikh Al-Faiz a dit, perdre conscience en s'endormant ou par cause de démence, d'évanouissement ou d'ivresse. Étant donné que la perte de conscience, elle peut être totale comme elle peut être partielle. Na'am, elle est totale, par exemple, si la personne tombe dans la démence. Elle peut être partielle si elle s'évanouit ou si elle est en état d'ivresse. Ou si elle dort. Ça sera partiel. Pourquoi ? Parce que ça, elle est amenée à quoi ? À se réveiller. À sortir de son état d'ivresse. À se réveiller de son évanouissement. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'œil est garant de toute flatulation. L'œil est garant de toute flatulation. Donc les flatulations, c'est une manière douce de dire donc des gaz. Ce qui est visé ici, donc, concernant donc le mot flatulation. Quiconque s'endort se doit de réitérer ses ablutions. Quiconque s'endort se doit donc de réitérer ses ablutions. Étant donné que l'œil est garant de toute flatulation, c'est-à-dire que quand tu es réveillé, ben tu sais si un gaz est sorti ou pas. Ben par contre, quand tu t'endors, tu ne peux plus le savoir. فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّ. Quiconque donc s'endort se doit de réitérer ses ablutions. La perte de conscience, et ce hadith donc il est rapporté par Abu Daoud, et il a été déclaré authentique, ou plutôt fiable, Hassan, par le Cheikh Al-Albani dans son livre Irwa Al-Ghalil. Et vous vous rappelez de ce livre donc, la semaine dernière, j'avais eu l'occasion de vous le montrer. Le livre donc du Cheikh Al-Albani, Irwa Al-Ghalil. La perte de conscience durant l'évanouissement, la démence et l'ivresse est plus prononcée encore que lors du sommeil. C'est pourquoi ces trois états sont plus à même d'annuler les ablutions. Donc ici, le fait de dormir, ça fait perdre les ablutions. Alors ceux qui est encore plus prononcé que le sommeil dans la perte de conscience, c'est encore plus à même qu'on le considère comme étant un annulatif. À plus forte raison. Si tu considères que le sommeil, que le fait de dormir, ça annule les ablutions, alors à plus forte raison, l'évanouissement, l'ivresse ou la démence. Naam. Un point important concernant le fait de dormir. Qu'est-ce qui est visé par le sommeil dans ce contexte-là? Est-ce que c'est n'importe quel sommeil ou pas? Il s'avère qu'en vérité, c'est le sommeil durant lequel on perd toute sensation. Il peut se passer, ce qui peut se passer à côté de toi, tu ne le sentiras pas, ou tu ne l'entendras pas. Alors que un sommeil léger, le fait de somnoler, par exemple, tu t'assieds, tu attends la prière, par exemple, et tu commences à somnoler. Mais s'il se passe quelque chose à côté de toi, tu vas le sentir. Naam. Alors à ce moment-là, cela n'annule pas les ablutions. Donc ce qui annule les ablutions, c'est le sommeil qui te fait perdre toute sensation. Tu sais plus ce qui... Tu ne distingues plus ce qui se passe autour de toi. Il a été rapporté, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient la Isha et qu'ils somnolaient à tel point que leur tête, elle basculait vers l'avant. Naam. Elle basculait comme ça et commençait à somnoler. Puis lorsque la prière était effectué, il se levait et il priait sans forcément refaire les ablutions. Donc on distingue bien deux types de sommeil. Le sommeil profond qui te fait perdre les ablutions. Tu le reconnais à quoi? Tu le reconnais au fait qu'il te fait perdre toute sensation. Tu ne sais plus ce qui se passe autour de toi. Le second type de sommeil, c'est en vérité plus proche de la somnolence. Et celui-là ne fait pas perdre à la personne ses sensations. Il peut continuer à distinguer, ou elle peut continuer à distinguer ce qui se passe autour d'elle. À ce moment-là, ça n'annule pas les ablutions. Quatrième point, concernant le quatrième annulatif. Le fait de toucher directement ses parties intimes, devant ou derrière, sans tissu ou vêtements. Le fait de toucher directement ses parties intimes, devant ou derrière, sans tissu ou vêtements. Le commentateur a dit, toucher de la main ses parties intimes, avant ou arrière, sans séparation. En y sent que tu aies un tissu ou quelque chose qui s'y apparenterait entre ta main et la partie intime en question. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque touche ses parties intimes, doit renouveler ses ablutions. Quiconque touche ses parties intimes doit renouveler ses ablutions. Et ça, donc, c'est un avis parmi les avis des ulama dans la question. Les parties intimes avant ou arrière. Donc, la personne qui viendrait à toucher avec sa main ses parties intimes, que ce soit devant ou derrière, verrait ses ablutions annulées. J'attire votre attention vers le fait que lorsqu'on parle des parties intimes arrière, on vise par là l'orifice. Naam. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, en se lavant, elle viendrait, naam, par exemple, en se lavant, elle viendrait à se toucher, comme on dit, donc le derrière, le postérieur, sans forcément, donc, toucher l'orifice. Ça n'annulerait pas forcément, ça n'annulerait pas ses ablutions. Donc, ce qui est visé, donc, c'est l'orifice. Si par exemple tu te laves, tu fais le roussel, na'am, la personne elle fait le roussel du vendredi, elle a déjà ses ablutions. Elle a déjà ses ablutions. Na'am. Et elle se touche par exemple le postérieur, sans forcément toucher l'orifice, alors à ce moment-là, son ablution ou ses ablutions restent valides. Cinquième point qui concerne la cinquième annulation, ou le cinquième annulatif, c'est le fait de manger de la viande de chameau. Le fait de manger de la viande de chameau. Et cet avis-là, donc le fait de manger de la viande de chameau invalide les ablutions, c'est un avis qui est soutenu par l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, et ça fait partie des avis par lesquels il s'est particularisé. C'est ce qu'on appelle mufradat al-imam Ahmed. C'est-à-dire certains avis par lesquels il s'est particularisé. Et cet avis par lequel il s'est particularisé, ici, c'est l'avis le plus correct et le plus fort, c'est l'avis prépondérant, incha'Allah ta'ala. En effet, comme l'a dit le commentateur, il a été rapporté d'après Jabir ibn Samura qu'un homme questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je renouveler mes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, oui, renouvelle tes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. D'autres hadiths qui vont dans ce sens-là, à savoir le fait de renouveler ses ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Sixième point qui concerne le sixième annulatif, et c'est donc le dernier, c'est l'apostasie. Le fait de sortir de la religion, qu'Allah nous en protège, ainsi que tous les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Et à partir de là, donc on dit que les ablutions sont invalides, à partir du moment où la personne apostasie et sort de la religion. Ce qui signifie que si elle venait à réembrasser l'islam après avoir apostasié et avant d'avoir perdu ses ablutions à cause d'un autre annulatif, alors à ce moment-là, il lui serait demandé de renouveler ses ablutions. Et ce, selon l'avis soutenu par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et c'est l'avis le plus prudent. D'autres ulama sont d'avis, et c'est le cas des trois imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik ibn Anas, et l'imam Shafi'i rahimahullah, qui sont d'avis qu'en vérité cela ne fait pas partie des annulatifs. Et que si une personne donc venait à apostasier, puis à réembrasser l'islam, avant d'avoir perdu ses ablutions, à cause d'un annulatif parmi les annulatifs qu'on a cités auparavant, alors à ce moment-là, elle n'aurait pas à refaire ses ablutions. Cependant, l'avis qu'on a mentionné en premier, qui est soutenu par l'auteur, le Cheikh Ibn Baz, et qui était l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, est l'avis le plus prudent, on va rester sur cet avis-là, incha'Allah ta'ala. Dans la deuxième partie de cette leçon, l'auteur, rahimahullah, a abordé une remarque importante comme on l'a annoncé tout à l'heure. Et il a dit, pour ce qui est du lavage du mort, l'avis le plus juste est qu'il n'annule pas les ablutions. Donc il a cité parce que tu vas trouver dans d'autres livres de fiqh, tu vas trouver que mention est faite du lavage du mort et que ça annule les ablutions. Le Cheikh Ibn Baz a dit, l'avis le plus juste est qu'il n'annule pas les ablutions, c'est là l'avis de la majorité des ulama, car aucune preuve n'existe à ce sujet. Cependant, si la main de la personne en charge de laver le défunt touche les parties intimes de celui-ci sans aucune séparation, il est obligatoire pour lui de refaire ses ablutions. Pas à cause du fait qu'il ait lavé le mort, mais du fait qu'il ait touché les parties intimes de ce dernier sans aucune séparation, ce qui nous renvoie au quatrième annulatif. Il est cependant de son devoir de ne pas toucher les parties intimes du mort, si ce n'est en se couvrant la main. Comme on va peut-être le voir, Inch'Allah, le cours prochain, quand on va parler du lavage du mort, comment ça se passe. Na'am, la personne, lorsqu'elle lave le mort, et qu'elle est amenée donc à faire sa toilette, elle doit se couvrir les mains pour ne pas être en contact direct avec les parties intimes du défunt. Mais si malgré tout, il venait à les toucher, alors à ce moment-là, il faudrait qu'il refasse ses ablutions. Il en est de même pour ce qui est de toucher une femme. Donc là, il a parlé du lavage du mort. Pourquoi ? Parce que c'est mentionné dans certains livres de fiqh. Comme quoi, ça annule les ablutions. Également, parmi les choses mentionnées dans certains livres de fiqh, il y a le fait de toucher une femme. Et le shir de dire, ceci n'annule aucunement les ablutions, que ce soit fait avec désir ou sans désir, selon l'avis le plus correct mentionné par les ulama. Tant que cela ne provoque pas l'émission d'un quelconque liquide. C'est-à-dire que ce qui est pris en compte en vérité, c'est est-ce qu'il y a du liquide, que ce soit du mavi, du liquide prostatique, ou du sperme qui est émis, c'est ce qui est pris en compte. Et à ce moment-là, on revient à quel annulatif ? On revient au premier annulatif, à savoir ce qui sort des deux orifices naturels. On revient donc au premier annulatif. Mais le simple fait de toucher une femme, que ce soit avec désir ou sans désir, en soi, ça n'annule pas les ablutions, sauf si ça amène à l'émission d'un quelconque liquide, alors à ce moment-là, les ablutions seront invalides. À cause de quoi ? À cause de l'émission de ce liquide-là et pas à cause du fait d'avoir touché une femme. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa une de ses femmes, puis pria sans renouveler ses ablutions. Et en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les deux versets de Surat An-Nisa et Al-Ma'idah, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَا, ou si vous avez touché à des femmes, c'est l'acte sexuel qui est désigné ici, selon l'avis des ulama, le plus correct. C'est d'ailleurs l'avis d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agré, ainsi que son père, et d'un groupe de ulama. Pourquoi il a cité ce verset-là ? Car c'est sur ce verset-là que se basent en partie les ulama qui sont d'avis que le simple fait de toucher une femme invalide les ablutions. Et ils disent donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou si vous avez touché à des femmes. Mais comme l'a expliqué le Cheikh Ibn Baz, en s'appuyant sur l'avis d'Ibn Abbas et d'un groupe de ulama, en vérité c'est l'acte sexuel qui est visé ici. Et le commentateur de dire, pour ce qui est du lavage du mort et du fait de toucher une femme, notre shir a explicité les propos des ulama à ce sujet et a penché, qu'Allah le protège, donc il a certainement écrit ça du vivant de l'auteur, rahimahullah, pour l'avis stipulant que ce ne sont pas des actes annulant les ablutions, et Allah est plus savant, Allahu a'lam. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on aura peut-être l'occasion de terminer le livre la semaine prochaine. Incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.